pour poser la question « Avez-vous ? Est-ce que vous avez ? Avez-vous ? » En anglais, on dit « Do you have ? Do you have ? Do you have ? Do you have ? Have. Yes, do you have ? Once more. Do you have ? Right. Do you have ? Avez-vous une préférence ? Do you have a Do you have a preference ? Right. Do you have a preference ? Quelle préférence ? What preference ? What preference ? Avez-vous ? Do you have ? Right. What preference do you have ? Quelle préférence avez-vous ? What preference do you have ? Pour dire ce soir en anglais, tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, tonight s'écrit T-O-N-I-G-H-T. Tonight, tonight. Quel restaurant? What restaurant? Right. What restaurant? What restaurant? What restaurant? What restaurant? Restaurant s'écrit naturellement de la même façon en anglais parce que c'est un mot qui se termine par A-N-T. So, what restaurant? Quel restaurant? What restaurant? Pour quel restaurant? Pour comme dans pour moi. For. Bravo. Alors, pour quel restaurant? For what restaurant? For what restaurant? Avez-vous une préférence? Do you have a preference? Ce soir? Tonight? Good! Alors, once more, encore une fois. Pour quel restaurant avez-vous une préférence ce soir? For what restaurant do you have a preference tonight? Right! For what restaurant do you have a preference tonight? Les mots en français qui se terminent par R, comme nécessaire, contraire, sont presque les mêmes en anglais. En anglais, la terminaison R est hurry. Au lieu de dire R, on dit hurry. Hurry s'écrit A-R-Y. Par exemple, nécessaire. Necessary. Necessary. Necessary. C'est nécessaire? It's necessary. It's necessary. It is necessary. It's necessary. Ce n'est pas nécessaire sans la contraction. It is not necessary. Right. It is not necessary. Et avec la contraction? It isn't necessary. It isn't. It isn't necessary. Right. It isn't necessary. Le mot pour dire maintenant est now. Now. Maintenant se dit now. Now, ça s'écrit N-O-W. Now. Now. Ce n'est pas nécessaire maintenant. It's not necessary. Once more. It is not necessary now. Yes. It is not necessary now. Et avec la contraction? It isn't necessary now. It isn't necessary now. Contraire en anglais. Contrary. Contrary. Contrary. Au contraire en anglais se dit on the contrary. On the contrary. Au lieu de dire « au contraire », on dit littéralement « sur le contraire ».« On » veut dire « sur ».« On the contrary ».« Sur le contraire ».« On the contrary ».« On the contrary ». Essayons avec un autre mot intéressant là. Hein? Vocabulaire. vocabulary. Right. Vocabulary. Vocabulary. Pas maintenant? Not now. Not now. Le mot pour peut-être, peut-être est perhaps. Perhaps. Perhaps. Perhaps, perhaps. S'écrit P-E-R-H-A-P-S. Perhaps, perhaps. Peut-être ce soir. Perhaps tonight. Perhaps tonight. Perhaps tonight. Alors, pas maintenant. Peut-être ce soir. Not now. Perhaps tonight. Not now. Perhaps tonight.